Vous avez un visa d'étudiant sur votre passeport ? Oui. Vous venez avec votre passeport et titre de séjour. Vous êtes passé par Campus France pour faire votre demande ? Oui, mais je suis en France déjà pour étudier le français. Vous prenez tous les documents que Campus France vous a demandés. Ok, je vous remercie, monsieur.